Bon matin. Merci, Roger. Merci pour votre accueil. Et est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît, ou une bouteille? Ça va être moins dangereux de la renverser. Merci. Merci beaucoup. 100 bouteilles d'eau pour madame ici. OK. Donc, je suis avec mon épouse Émilie, nous sommes de Magog, et je vais juste prendre une gorgée et je vous reviens, ça ne sera pas long. C'est de la bonne eau. Donc, on est vraiment heureux d'être parmi vous ce matin. On venait présenter notre ministère. J'ai jusqu'à quelle heure, Roger, en passant? 11 heures, c'est bien ça, environ? Oui, très bien. Donc, c'est l'histoire du frère Jean qui était tout à fait terrorisé à l'idée de devoir parler en public. Et les anciens de son église le convainquent de venir dire un mot à l'église un dimanche matin et tout tremblant, claquant des genoux, demande à l'Église, « Est-ce que vous savez qu'est-ce que je vais dire? » L'Église dit non, dit « Moi non plus » et il se sauve. Alors, bien entendu, après une prédication aussi courte, on le convainc de revenir le dimanche suivant pour poursuivre ce message profond et édifiant. Alors, se présentant devant l'Église, tout tremblant, claquant des genoux, repose la même question, « Est-ce que vous savez qu'est-ce que je vais dire? » L'Église dit « Oui ». Comme ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, et il se sauve de nouveau. Alors, on le convainc de revenir une troisième fois, et toujours aussi nerveux, tremblant, claquant des genoux, repose la même question. Est-ce que vous savez qu'est-ce que je vais dire? La moitié de l'Église dit oui, l'autre moitié dit non, que ceux qui le savent le disent à ceux qui ne le savent pas. Donc, après quelques instants de silence, l'Esprit-Saint a saisi ces paroles pour convaincre l'Église d'un message puissant dans leur cœur, que ceux qui le savent le disent à ceux qui ne le savent pas. Et c'est ce que nous faisons avec l'Association des fermiers chrétiens du Canada. On est un organisme chrétien interdénominationnel qui organise des campagnes d'évangélisation à la grandeur du Canada. Mon épouse et moi, nous sommes coordonnateurs depuis 2009. Nous avons connu ce ministère suite à une prière que j'avais adressée au Seigneur. Ça faisait déjà plusieurs années que j'étais dans le domaine de l'évangélisation. Et je voyais qu'il y avait une lacune dans nos églises, chez les chrétiens, pour différentes raisons. Entre autres, parce que plusieurs ont fait l'erreur de porter sur leurs épaules le fardeau du résultat, comme si ça dépendait de nous-mêmes. Ils se sont découragés de l'évangélisation. Et j'ai adressé cette prière au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, de quelle façon je pourrais aider les chrétiens à témoigner de leur foi de façon simple et efficace? Je savais que Dieu m'avait entendu, je savais qu'il était pour me répondre, mais je ne savais ni quand ni comment. Et quelques années plus tard, deux couples anglophones présentaient le message de l'Évangile de la façon que je vais vous faire une démonstration tantôt dans un de nos kiosques en Estrie et avaient besoin d'aide pour parler aux francophones. C'est venu à nos oreilles, à mon épouse et moi, nous nous sommes présentés là, au kiosque. C'est lorsqu'on a vu les centaines de gens venir au kiosque librement, entendre le message de l'Évangile, simplement et clairement et efficacement, et nous remercier. Après avoir entendu ce qu'ils venaient d'entendre, j'ai immédiatement compris que c'était la réponse à la prière que j'avais adressée à Dieu quelques années auparavant, parce que j'ai compris que n'importe quel chrétien ni nouveau qui marche dans le Seigneur pouvait présenter l'Évangile de cette façon. Les organisateurs de l'association nous ont demandé à mon épouse et moi si nous étions intéressés à organiser de nouveaux événements au Québec. On a accepté. Nous sommes devenus coordonnateurs en 2009. Eux priaient pour avoir des francophones et donc ça a été vraiment un beau mariage. Nous sommes devenus ni plus ni moins une réponse à leur prière. Alors, excusez. La vision de l'association est de former et d'équiper les chrétiens au travers des districts locaux pour partager l'Évangile dans les lieux publics d'un océan à l'autre. J'ai une question pour vous ici ce matin. Quelle est l'une des prédications les plus puissantes et les plus courtes de tout le Nouveau Testament? On pourrait nommer Jean 3,16, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous suggère celle-ci. Jésus disait à ses disciples, « Viens et suis-moi. » Quelle prédication courte et puissante d'écouter le maître, de le suivre, de l'imiter. L'Association des fermiers chrétiens du Canada n'est non seulement un ministère d'évangélisation, mais est aussi une école qui nous apprend simplement et clairement comment partager l'Évangile avec nos concitoyens du Québec. Est-ce que le Québec a besoin de l'Évangile? Poser la question, c'est d'y répondre, n'est-ce pas? Alors, les prérequis pour être bénévole avec nous, premièrement, ce que nous n'avons pas besoin d'être, un fermier. Pas besoin d'être un fermier pour être bénévole avec l'Association des fermiers chrétiens du Canada, seulement un semeur de la bonne nouvelle. Alors, nous devons être un chrétien né de nouveau qui marche dans le Seigneur, qui fréquente une église de façon assidue. Nous avons aussi une profession de foi commune à toutes les assemblées évangéliques. Notre façon de procéder est de louer un espace lors d'un événement public tel que celle que Roger a mentionnée tantôt, où nous allons être cet été, l'exposition agricole de Victoriaville. Nous donnons gratuitement des articles aux gens contenant 5 couleurs. Ces couleurs nous racontent une histoire qui explique aux gens pourquoi nous leur donnons. Alors, cette histoire débute avec l'or qui représente le ciel, un endroit où Dieu habite, où l'amour et la joie vont régner éternellement. Plus de souffrance et de mort à jamais. Franchement, il faut être fou de ne pas vouloir aller un jour. Mais attention, vous et moi avons un problème pour s'y rendre, représenté par la couleur sombre. Ceci représente tous nos manquements, nos fautes. À cause de nos péchés, la porte du ciel nous est fermée. Pourquoi? Eh bien, parce que rien de mal va rentrer au ciel, sinon ça ne sera plus le ciel. Mais parce que Dieu vous aime et m'aime et veut nous avoir avec lui dans son ciel, il a trouvé une solution représentée par la couleur rouge. Ceci représente son amour qu'il a eu pour vous, pour moi, d'envoyer son Fils, son seul, unique, mourir pour vous et pour moi afin qu'on soit pardonné. Lorsqu'on lui demande pardon, honnêtement, sincèrement, que se produit-il? Eh bien, il nous pardonne. C'est ce que le blanc représente ici, son pardon. Lorsqu'on nous avons fait cet acte de confiance, d'accepter par la foi dans notre cœur son pardon. Cette confiance, comme une petite plante, peut grandir. Donc, le vert représente ici la croissance spirituelle au travers de la prière, le fait de parler à Dieu dans ses mots, le fait de lire sa parole, qu'on appelle la Bible, le fait d'avoir une relation spirituelle avec d'autres personnes qui ont aussi fait le choix de faire de Jésus leur sauveur personnel. Que se produit-il? Eh bien, notre confiance grandit comme une plante. En résumé, ce que cette histoire signifie, c'est qu'aller au ciel, c'est tout à fait gratuit. Ça ne coûte pas un sou. Pourquoi? Eh bien, parce que Jésus a tout payé ce qui est nécessaire pour qu'on soit avec lui. Et c'est la raison, monsieur et madame, pourquoi nous vous donnons cet article aujourd'hui, pour vous souvenir du don gratuit de Dieu au travers de Jésus-Christ. Alors, cette histoire que je viens de vous partager en 2 minutes, plus de 360 bénévoles venant de 95 églises différentes l'ont partagé à plus de 62 000 personnes de bouche à oreille. Ici même au Québec, plus de 120 jours d'évangélisation se passant 40 événements, plus de 5 500 Nouveaux Testaments ont été donnés en main propre à des gens qui, premièrement, nous leur avons partagé le message de l'Évangile, qu'ils ont manifesté un minimum d'intérêt, qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas de Nouveau Testament, qu'ils n'étaient pas certains, qu'ils étaient prêts à le lire. Et plus de 6 000 applications, carte New Life, un outil absolument extraordinaire. Donc, nous sommes passés à 4 événements, à plus de 40 et plus de 2 000 personnes rejointes, à plus de 62 000 personnes de 2008 à 2016. Franchement, on peut donner une bonne main d'applaudissement à notre grand Dieu qui accomplit des merveilles. Et pourquoi? Parce que ça fait des années que nous prions comme chrétiens, que Dieu nous ouvre des portes, n'est-ce pas? Alors, voici une réponse à la prière que nous avons adressée à ce Dieu. Bien entendu, si nous sommes ici ce matin, ce n'est pas seulement pour vous présenter un ministère florissant par la grâce de Dieu, mais aussi et surtout pour vous tendre la main pour vous dire « Nous avons besoin de vous ». Alors, un mini-survol de notre campagne 2016 au Québec. Vous me permettez? Entre 50 et 70 % de nos visiteurs dans la plupart de nos événements ont entre 13 et 25 ans et même plus jeunes. C'est une nouvelle génération qui n'a jamais entendu parler de Dieu, à peu près pas. Ils sont comme des éponges spirituellement. Ils boivent littéralement nos paroles. Nous avons souvent l'opportunité de leur offrir d'accepter Jésus comme leur sauveur personnel, le même au kiosque. Voici l'expo d'Amstand au sud-ouest de Montréal. C'est une petite expo, peut-être 6 000, 7 000 visiteurs en 4 jours. Nous avons adressé l'Évangile à plus de 1 000 personnes. C'est un nouveau sommet. On parle d'une moyenne de 13-14% des visiteurs qui ont entendu le message de l'Évangile. Ce qui retient mon attention, c'est un témoignage, entre autres, d'un homme, une soixantaine d'années, qui voulait remercier mon épouse, Émilie, qui lui avait présenté l'Évangile l'année précédente. Mon épouse n'était pas là au kiosque l'an passé. Et donc, il voulait la remercier de lui avoir présenté l'Évangile, de l'avoir encouragée, parce que c'était un chrétien qui avait quitté l'Église, qui ne marchait plus avec le Seigneur. Ça l'a encouragé à revenir au Seigneur et il fréquentait maintenant une église de façon assidue. Il voulait simplement l'avoir remercié d'avoir intervenu dans sa vie. Ce que je retiens de cette histoire, c'est que Dieu utilise ce ministère non seulement pour rejoindre un grand nombre de non-chrétiens avec l'Évangile, mais des chrétiens qui nous voient en action sont édifiés, sont encouragés et sont maintenant bénévoles avec nous, voyant notre audace. D'autres, comme cet homme qui avait quitté l'Église, revient au Seigneur. Nous voyons des églises qui n'ont jamais travaillé ensemble, qui n'ont jamais communiqué ensemble seulement, travailler sous le même toit pour annoncer le message de l'Évangile et beaucoup d'autres bienfaits collatéraux. Nous sommes à l'exposition agricole de Trois-Rivières depuis 6 années consécutives. Plusieurs témoignages fulgurants. Je retiens ici l'histoire, entre autres, d'un jeune homme de 13 ans, la première année où nous sommes, qui reçoit un bracelet de caoutchouc avec les 5 couleurs. C'est une article par personne, par événement. C'est un événement de 10 jours. Je le vois revenir la 4e journée, revenir chercher un 4e bracelet. Je le regarde. Combien de bracelets qu'on a le doigt? Il dit un. Combien t'es rendu? C'est pas jamais ou c'est après mes chevilles. Ah, OK. Eh bien, là, tu dois commencer à connaître l'histoire par cœur. Il dit oui. En retour de recevoir un autre bracelet, je te demande d'amener tes amis pour qu'ils puissent entendre le message de l'Évangile. Il dit c'est correct. Donc, les fois d'après, il revenait au kiosque, il apportait ses copains avec lui pour qu'ils entendent le message de l'Évangile et, bien entendu, comme commission, il prenait un autre bracelet de caoutchouc. Et je le vois arriver la 10e journée, venir chercher un 10e bracelet. Il dit, pas peur, je ne m'en viens pas chercher de bracelet, c'est parce que j'ai des copains qui sont dans les manèges, ils ne veulent pas venir au kiosque. Donc, je fais simplement rapporter le petit pamphlet des 5 couleurs pour qu'ils puissent entendre ce que le message de l'Évangile veut dire. Alors, le jeune qui ne connaissait pas l'Évangile au début de l'expo t'a rendu un évangéliste à la fin. On appelle ça une montée tout à fait fulgurante, frères et sœurs. Je vois ce jeune homme revenir la 2e année avec des copains au kiosque. Je le vois revenir la 3e année au kiosque encore avec des copains. Et avant même que le bénévole explique la signification des couleurs, il devançait le bénévole et expliquait ce que les couleurs voulaient dire à ses copains. Maintenant, d'autres témoignages fulgurants. Entre autres, partout ce que c'est que nous sommes, premièrement, partout ce que c'est que nous donnons nos formations pour nos bénévoles, nous demandons entre autres à nos bénévoles de prier pour que Dieu mette sa main sur la température et Dieu nous entend, frères et sœurs. Et on a plusieurs témoignages fulgurants. La première année où nous étions à cette expo, premièrement, l'expo agricole de Trois-Rivières pour la population de Trois-Rivières signifiait pluie. À chaque année, c'était comme ça. Et la première année où nous étions présents, il y a plu un petit peu une nuit dans les 10 jours. L'année suivante, pas une goutte de pluie dans les 10 jours. Ça ne s'était jamais vu en 107 ans d'édition. Et celui qui s'occupe des exposants vient nous voir à chaque jour. Je le regarde, il fait beau, hein? Ça c'est à cause de vous autres, ça. Il a vu un lien direct à partir du moment où c'est qu'on était là, qu'il a commencé à faire beau. Il faisait tellement pas beau à chaque année à cette expo qu'il y avait de moins en moins de visiteurs qui venaient, bien entendu, parce que ce sont des activités extérieures. Et l'expo était sur le bord de faire faillite et de mettre la clé dans la porte. Et depuis cette année, ils sont de plus en plus prospères. Et c'est ce qu'on voit aussi dans les Écritures. C'est un autre bienfait collatéraux du ministère. Souvent, même dans les Écritures saintes, lorsqu'un peuple païen faisait du bien au peuple de Dieu, Dieu bénissait ce peuple païen qui faisait du bien à son propre peuple. Alors, lorsque nous avons les portes ouvertes, eh bien, Dieu bénit ces gens parce qu'ils nous ouvrent la porte. Un homme qu'on ne connaissait pas, un pur étranger, on l'invitait à avoir un article gratuit, il refusait poliment. Et il se présente la dernière journée, Il explique qu'il est le responsable des exposants du Trois-Rivières-en-Blouse. Il dit, je vous ai étudié depuis quelques jours, j'ai vu que vous êtes un kiosque à caractère religieux. Chez nous, au Trois-Rivières-en-Blouse, nous n'avons pas cette clause de ne pas avoir de kiosque à caractère religieux. Vous êtes le bienvenu chez nous. Il a le contrat dans les mains et il me donne ça en main propre. Donc, depuis cette année-là, nous sommes au Trois-Rivières-en-Blouse. Regardez le vieux port de Trois-Rivières, c'est beau, Ridgeant. Alors, c'est un événement de 4 jours. Nous avons adressé l'Évangile, parfois jusqu'à 2 000, 2 400 personnes. Nous avons une tente de 10 par 20, la façade 20 pieds ouverte. Nous étions un soir jusqu'à 12 bénévoles qui présentaient l'Évangile et nous ne fournissions pas la tâche. Nous sommes à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Permettez-moi un autre gorgée, s'il vous plaît. Vous comprenez pourquoi que je bois, là? Comme exposant, nous sommes à l'intérieur d'un bâtiment immense. Le bâtiment rouvre ses portes pour les visiteurs à partir de 11 heures le matin. Eh bien, comme exposant, sois prêt dans ton kiosque, car c'est le tremblement de terre qui s'approche. La foule qui passe devant le kiosque. Tous les gens que vous voyez là présentement sont à notre kiosque. Et c'est comme ça pendant 11 jours de temps. Des témoignages encore fulgurants. Des moyennes de 500, 600, 800, 1000 personnes par jour et plus. Nous sommes au rodéo du camion au Témiscamingue, un événement tout à fait anti-écologique ici, frères et sœurs, qui attire des dizaines de milliers de visiteurs dans un village minuscule aux frontières de l'Ontario. Et un pasteur qui venait de déménager dans ce village entend parler de cet événement. Il s'est dit en lui-même, de quelle façon je pourrais rejoindre tous ces gens avec l'Évangile? Il ne nous connaissait pas, mais il connaissait quelqu'un qui ne nous connaissait pas, mais qui connaissait quelqu'un qui nous connaissait. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'il a fini par nous rejoindre. Je lui explique comment faire pour avoir un kiosque. Il est trop tard cette année-là, mais il peut installer notre kiosque sur le terrain de son église, qui est à l'entrée du site du rodéo, où à peu près tout le monde doit passer pour aller sur le site du rodéo. Et une chose que je ne savais pas, que j'ai appris là-bas, c'est qu'annexé à ce village, il y a une communauté autochtone et pour la première fois, nous avions deux bénévoles autochtones nés de nouveau qui présentaient le message de l'Évangile avec nous à leurs confrères autochtones. Et une de ces bénévoles nous expliquait que où nous étions, là, à cette église, anciennement, c'était un bar et moi, j'étais la barmaid. Anciennement, je vendais de l'alcool, maintenant, je donne l'eau de vie. Et au moment que je suis devenue chrétienne, on a prié pour que Dieu ferme ces endroits de boissons dans ce village. Il y en avait 7. Nous savons jusqu'à quel point que nos amis autochtones ont un problème grave d'alcoolisme et de toxicomanie. Il en reste seulement un d'ouvert et on continue de prier. Lorsque nous sommes présentés à cet événement, cet événement avait une telle réputation dévergondée. Franchement, rendu à 11 heures le soir, ça nous donne une excellente idée de ce que pourrait être Sodome et Gomorre. À tel point que la population a fait une pétition à l'hôtel de ville pour faire fermer cet événement. La pétition n'a pas passé. Et c'est cette année-là qu'on a pu avoir notre kiosque pour la première fois. Dieu avait une bien meilleure solution que de faire fermer l'événement. Il y avait l'Évangile à apporter à ceux qui en ont besoin. Le Seigneur est venu chercher et sauver ce qui est perdu, n'est-ce pas? Alors, le jeune homme, entre autres, que vous voyez ici devant, n'est pas un bandit, c'est un de nos bénévoles. Nous sommes à l'Expo agricole de Brome aussi, depuis 9 ans consécutivement. C'est à cet événement que mon épouse et moi, nous avons connu le ministère de l'Association des fermiers chrétiens du Canada. Nous continuons à y être d'année en année, plus de 2000 personnes en 4 jours en 2016. Nous avons eu des années de 2500, 3000, 3400 personnes. Donc, encore beaucoup de gens, des témoignages fulgurants encore une fois. Un bug. Non, OK. Nous sommes au Festival Western de Saint-Tite, un événement majeur au Québec qui attire plus de 600 000 visiteurs en 10 jours. Les rues sont pleines à perte de vue dans tous les sens. Nous avons une grande tente de 20 par 40 à l'arrière-cour d'un couple chrétien, imaginez-vous, qui reste sur les coins de Saint-Paul et Saint-Pierre. C'est tout à fait prophétique. Nous avons des dizaines, donc imaginez-vous, parfois, nous avons des pics. D'au-delà de, nous sommes parfois jusqu'à 20 bénévoles en même temps qui partagent le message de l'Évangile. Tout le monde est occupé. Nous avons 4 autres bénévoles qui sont là seulement pour faire la circulation des gens. Et parfois, nous avons une file d'attente. Alors, l'année passée, qui était notre plus petite année depuis les 5 ans que nous sommes là, plus de 8300 personnes ont entendu le message de l'Évangile. On parle d'une moyenne de 830 personnes par jour. Et depuis 5 ans, plus de 53 000 personnes ont entendu le message de l'Évangile à Saint-Tite seulement. On parle de la ville de Victoriaville, quoi? 53 000 personnes à peu près, oui. Alors, la jeune demoiselle que vous voyez ici avec le gilet rose et son grand chapeau de cow-boy, s'appelle Laurence, était simplement là comme bénévole pour remplir les tables, parce qu'au nombre de gens à qui nous parlons, les tables se vident rapidement. Et donc, cette jeune demoiselle, ce qui était important pour elle, ce n'était pas de remplir les tables, c'était plutôt de remplir la tente de monde. Donc, elle se présente en avant, invitant les gens à rentrer. Il y avait beaucoup de bruit à Saint-Tite et sa voix aiguë perçait ce bruit. Et les gens étaient stomaqués de voir cette jeune demoiselle et étaient vraiment attirés à rentrer dans la tente. À un moment donné, elle prend un break, elle parle avec moi et elle arrête de parler. Elle regarde dans la tente, elle dit « il n'y a pas assez de monde ». Elle retourne dehors, inviter les gens à rentrer. Nous sommes à l'exposition agricole de Richemont, une de nos plus vieilles événements. Et ce qui retient mon attention ici, entre autres, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, non seulement nous n'avons pas nécessairement de moins en moins de visiteurs d'année en année, nous avons atteint un nouveau sommet à cet événement, ce n'est pas la seule. Donc, c'est merveilleux. Plusieurs excellents témoignages, entre autres, un jeune homme au début de la vingtaine, habillé tout en noir, avec des anneaux un petit peu partout sur lui, avec une peignure tout à fait spéciale, pause devant le kiosque, dit pas un mot et revient quelques minutes plus tard. Il prend un bâton de marche, il me regarde. Est-ce qu'un sataniste a le droit d'avoir un bâton de marche? Absolument. Alors, je lui présente le message de l'Évangile. Nous avons une excellente discussion ensemble. Il quitte. Il revient. Peu de temps après, je suis occupé avec un autre visiteur. Il s'assit et parle avec d'autres bénévoles. Lorsque j'ai eu terminé, il me regarde et dit, « Si je décide de devenir chrétien comme toi, est-ce que je vais pouvoir faire la même affaire que tu fais? » Absolument. Alors, ce jeune homme, le lendemain déjà, avait commencé son ministère. Il avait apporté ses copains, qui étaient habillés pareil comme lui, au kiosque pour qu'ils puissent entendre le message de l'Évangile. Alors, ici, le Challenge 255, un événement auquel nous avions convié l'année dernière. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du dicton qui dit qu'on ne choisit pas ses voisins. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, ici, voici notre kiosque avec le toit blanc. Et juste à côté, je vais lire ici le toit, « Support your local Hells Angels Montreal ». Donc, je vous dirais que la seule chose qui manquait entre nos deux kiosques, c'était une pancarte expliquant aux visiteurs qu'à votre droite, voici la voie large pour la perdition et à votre gauche, ici, la voie étroite pour l'éternité. Donc, franchement, on a des surprises avec le Seigneur. Nous devrions, Dieu voulant, y retourner cette année encore. Et qui est une clientèle tout à fait spéciale à l'image de notre kiosque voisin. Et donc, comme bénévole, si vous désirez venir avec nous à cet événement, préparez-vous à accueillir des visiteurs quand même assez spéciaux. Nous étions au Montgolfière de Gatineau. Alors, imaginez-vous, nous avions une tente de 10 pieds par 10. Nous avons présenté l'Évangile à plus de 7500 personnes en 5 jours, les 2 premières journées, 2 demi-journées. On parle de 4 jours complets. On ouvrait la toile de la tente dans le visage des gens et on fermait la toile de la tente dans le visage des gens. Et lorsqu'on terminait notre journée, tous à l'unisson, les bénévoles, on disait « Ouf! » Et c'était fantastique, merveilleux. Alors, tous les gens que vous voyez derrière en passant ne sont pas en train de faire la file pour passer à notre kiosque, là, mais ils sont en train de regarder un spectacle. Et ce qui était de très spécial, c'est que derrière notre tente, On la voit ici. Nous avions notre pancarte gratuite. Donc, ces gens regardaient le spectacle et étaient attirés que la pancarte gratuite avec tous les gens qui étaient à notre tente. Regardaient le spectacle, regardaient notre tente, regardaient le spectacle. Et lorsque le spectacle fut fini, plein d'eux autres venaient à notre kiosque pour entendre le message de l'Évangile. Nous voyons ici Nicolas, qui était bénévole avec nous pour la première fois. Et Nicolas avait donné son nom pour trois fois au Montgolfière et vraiment, il a développé ce qu'on appelle, nous, le syndrome du claquage de genoux et de la jambe molle. Il était tout à fait nerveux avant de venir et à tel point qu'il nous a rappelé pour canceller deux de ses trois présences. Il s'est tout de même présenté à sa troisième participation par la foi et lorsqu'il a vécu cette expérience, toute la nervosité est tombée. Il a vécu une expérience extraordinaire avec Dieu qui l'a fortifié. Voici son grand sourire, à tel point que cet homme nous a demandé de reprendre les deux autres présences qu'il avait cancellées. Ça tombait bien parce qu'on avait besoin d'aide. Et maintenant, cet homme, Nicolas, est maintenant président du nouveau district de l'Association des fermiers chrétiens du Canada que nous avons débuté à Gatineau l'automne passé. Alors, encore une fois, un chrétien fortifié dans sa foi parce qu'il a fait un pas de foi, qui a grandi dans sa foi. Vous savez, la vie chrétienne contient quatre points essentiels. La prière, n'est-ce pas? La lecture de sa parole, l'Église, la communion spirituelle. Un quatrième point, comme les quatre pattes d'une chaise est manquante souvent, l'évangélisation, l'engagement. Donc, c'est le quatrième point ici. Pourquoi qu'on est ici ce matin? Pour vraiment encourager, fortifier les églises à ce niveau. Voici un témoignage de Ivy Pilon, qui est avec nous au Mont-Golfière. Participer au ministère des fermiers chrétiens a été une expérience extraordinaire pour moi. Jamais auparavant n'ai-je pu raconter le message de l'Évangile de façon personnelle à plus de 500 personnes dans l'espace de seulement 5 jours, étaient avec nous à chaque jour. J'ai été agréablement surprise par la réceptivité des gens à la fin de la présentation. Presque tous avaient un grand sourire et m'ont remercié sincèrement de leur avoir partagé ce beau message. J'ai remarqué dans les yeux et dans le comportement des gens une soif réelle pour Dieu allant des plus jeunes aux plus vieux. Lorsque j'arrivais à l'explication de la solution de Dieu et de comment Jésus avait payé pour mes fautes à ma place, souvent la personne enlevait ses lunettes de soleil ou s'approchait pour écouter plus attentivement. Certains revenaient au kiosque pour y entendre l'histoire et ils amenaient avec eux parents ou amis. C'était vraiment quelque chose à voir. Voici des choses qu'elle a entendues de la part des visiteurs. J'espère que vous allez revenir l'année prochaine. Tout le monde va être plus de bonne humeur après avoir entendu cette histoire. Il faut que vous allez écouter cette histoire des visiteurs en parlant à d'autres visiteurs. Merci beaucoup. On n'entend plus parler de cela de nos jours. Nos enfants ont besoin de l'entendre. J'en ai les frissons, une femme, après avoir entendu l'histoire. Wow! C'est tellement beau et logique. Ça a du sens. Merci, merci, merci, madame. Nous étions à l'exposition agricole de Chicoutimi pour la première fois au Saguenay. Alors, plus de 3 600 personnes ont entendu le message de l'Évangile en 5 jours pour un événement qui a attiré moins de 40 000 personnes. Donc, on parle d'une moyenne d'environ 10 % des visiteurs qui ont entendu le message de l'Évangile, ce qui est tout à fait excellent. Alors, encore une fois, d'excellents témoignages et encore une fois, comment que Dieu nous protège. Alors, imaginez-vous, la première journée que nous étions à cette expo, il pleuvait à boire debout, mais une chose que nous savions pas, c'est que tout partout alentour de nous, il tombait de la grêle. Ça a même passé aux nouvelles, des boules de grêle de la grosseur d'une balle de baseball qui passaient à travers les windshields des autos. Et ça l'a tombé dans les champs partout. Justement, un des bénévoles qui est un agriculteur à l'expo nous expliquait qu'il avait perdu 50 % de sa récolte, qu'il en avait les larmes aux yeux. Nous avons eu l'opportunité de lui présenter le message de l'Évangile. Eh bien, on a quand même pu voir comment Dieu nous protège. Nous ne savions pas que cette grêle-là tombait tout partout. C'était simplement de la pluie, heureusement, parce que nous avions seulement un petit toit au-dessus de notre tête. On se serait fait bombarder d'aplomb. Voici un témoignage ici de Nancy et Martin. J'aimerais partager ce que nous avons vécu, moi et ma femme, lors de l'exposition agricole de Chicoutimi. En premier lieu, j'aimerais parler des craintes qui s'étaient emparées de nous avant la tenue de l'événement. Même si nous sommes des chrétiens de plus de 30 ans à la fois, même si nous sommes des personnes ayant l'habitude de parler en public, ils sont professeurs toutes les deux, et que nous avons à plusieurs reprises évangélisé dans divers lieux, nous avions peur de ne pas savoir quoi dire de manière exacte, peur de ne pas savoir comment le dire, peur de faire rire de nous, peur de ne pas être à la hauteur, peur que les gens ne soient nullement intéressés par le message de l'Évangile, etc. Lors de l'événement, nous avons constaté que toutes ces peurs étaient non fondées. La prière, la formation donnée par les fermiers chrétiens, la rencontre avant de commencer à donner les articles pour la première fois, le briefing, le suivi individuel et le soutien constructif nous ont permis de prendre beaucoup d'assurance dès les premières minutes. À notre plus grande surprise, les gens affluaient en grand nombre et désiraient entendre le message des cinq couleurs qui résume la bonne nouvelle, l'Évangile de Jésus-Christ. Une famille de deux enfants arrive à la table, les parents ne sont pas intéressés, mais l'un des enfants, environ 10 ans, écoute attentivement et reçoit avec joie et admiration cette bonne nouvelle en laissant échapper un « wow ». Il est ému, il nous remercie et demande un Nouveau Testament. Une autre famille de deux enfants arrive à la table, les parents ne sont pas intéressés, mais l'un des enfants, environ 8 ans, écoute attentivement puis quitte après avoir choisi son article. Après quelques secondes, il revient en courant à la table et me dit « en tout cas, moi j'y crois à votre histoire ». Puis il retourne retrouver ses parents. Alors, si les parents ne veulent pas croire, Dieu va passer par les enfants. Hein? Je n'oublierai jamais ces journées où annoncer l'Évangile est redevenu plus clair dans ma vie, où notre petite église s'est faite bouleverser par la joie que donne l'annonce de la bonne nouvelle. Il est faux de croire que les gens n'ont pas soif. Ces mensonges viennent de l'ennemi. Si nous voulons voir Dieu à l'œuvre, lorsqu'il nous appelle, il faut par la foi dire « Me voici, Seigneur » et nous serons aux premières loges pour le voir agir. Nous étions au Salon national de la femme de Québec pour la deuxième fois en novembre dernier. Nous étions à Expocité en 2014 à Québec et à peu près partout où nous sommes un des kiosques les plus occupés. Alors, qui aurait cru? Et une femme que nous ne connaissions pas avait un pad dans les mains, regardait les kiosques et prenait des notes. Elle voit que chez nous, on a plusieurs personnes. Elle vient voir qu'est-ce qui se passe. Un bénévole lui présente le message de l'Évangile. Lorsqu'il a eu terminé, elle sort sa carte d'affaires et dit « On a besoin d'un kiosque comme le vôtre chez nous. » Et ce bénévole me redonne sa carte d'affaires en m'expliquant ce qu'elle venait de dire. Je vois cette femme, je sors ma carte d'affaires, j'ai dit « On veut y aller chez vous. » Et cette dame était la directrice du Salon national de la femme qui se produit à Toronto, Ottawa, Montréal et Québec. Donc, pour la première année, nous étions à Montréal. Ensuite, l'année suivante, nous avons commencé à l'exposition agricole de Québec. Au Salon national de la femme de Québec. Imaginez-vous, 3500 personnes rejoignent le message de l'Évangile en un jour, dans un 10 par 10. Tous les gens que vous voyez présentement sont à notre kiosque. Donc, imaginez-vous, depuis le début de l'année 2017, c'est à plus de 9000 personnes à qui nous avons présenté le message de l'Évangile en 5 événements déjà. Et c'est le plus gros printemps que nous avons jusqu'à maintenant. Nous étions à Un cœur pour les autres, au centre-ville de Montréal. Nous sommes là depuis 3 ans. Alors, au souper de Pâques, c'est un organisme chrétien qui vient en aide aux gens de la rue, les démunis, etc. Nous avons notre tente, nous avons adressé l'Évangile, imaginez-vous, à plus de 500 personnes en 4 heures. Nous étions au Salon national de la femme à Montréal pour la 3e année consécutivement. Alors, plus de 5000 personnes ont entendu le message de l'Évangile en 3 jours. On parle d'une moyenne de 208 personnes à l'heure de présence. Alors, nous allons, et pour la 2e fois, au Salon national de la femme de Montréal, les médias sont venus à notre kiosque pour une interview. Alors, la première année, c'était une émission qui s'appelle Infoman. Et cette année, c'est un autre genre d'émission pot-pourri là, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Sac de chip, qui est de TVA. Alors, vous allez entendre ici ce que des milliers de gens au Québec ont entendu suite à cette interview. Ils ont gardé le cœur de l'interview. Je me sens déjà une meilleure femme. Sauf que Dieu, dans son amour pour chacun de nous, il y avait une solution, la couleur rouge. Est-ce que le rouge, ça vous dit quoi? Amour. C'est exactement, mais pas n'importe quel amour. L'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu inconditionnel pour chacun de nous qui a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix. Et pourquoi vous êtes au Salon de la femme? On a été invités ici pour justement de donner de la bonne nouvelle. Il y a des colliers pour les femmes. Il y a tout. Je prends un truc de gars. C'est beau. Gloire à Dieu. On a de la publicité gratuite. La publicité qu'on n'aurait pas été capable de se payer. Des milliers de gens au Québec ont entendu le cœur du message de l'Évangile, le pardon inconditionnel de Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. Amen. Hey, on peut donner une bonne main d'applaudissement à Dieu, frères et sœurs, pour ça, là. Vous savez quoi? Avant d'espérer un réveil spirituel chez nos concitoyens du Québec, il faut que ce réveil commence chez nous, dans nos églises, comme chrétiens. Hein? Amen. On ne peut pas réveiller quelqu'un si on ne l'est pas. Le Salon national de la femme d'Ottawa, nous étions pour la première fois cette année. Alors, plus de 2300 personnes en deux jours. Gloire à Dieu, encore une fois, un événement extraordinaire ici. Donc, nous avons rejoint de nouvelles églises dans cette région, des églises francophones de la région d'Ottawa et aussi de Gatineau qui ont participé avec nous. Voici un témoignage de Jonathan Whittle. Alors, j'encouragerais les pasteurs à s'investir personnellement dans ce ministère. Le fait de devoir expliquer l'Évangile en moins de deux minutes m'a forcé à préciser l'Évangile et à m'en tenir à l'essentiel. C'est aussi une approche qui prête attention à la personne devant nous et pas juste un sales pitch, comme on dit en anglais, un discours de vente. Je suis aussi resté surpris de combien de gens ont accepté un Nouveau Testament. Dans une perspective pastorale, un de mes plus grands encouragements fut de voir deux de nos membres si inspirés de pouvoir partager leur foi. J'ai vu des personnes qui avaient peur et qui ont lutté avec la décision de participer au Salon de la femme, mais qui, par la grâce de Dieu, sont devenus des héros de la foi. Leur vie ont subi une transformation et une confiance accrue dans la providence de Dieu et dans la puissance de l'Évangile. Finalement, je crois que vous avez saisi l'importance d'une approche qui attire l'attention des gens sur quelque chose qu'ils peuvent voir et comprendre afin de diriger tranquillement leur attention vers celui qu'ils ne peuvent pas voir, mais qui les appelle à se confier en lui simplement et librement, Jonathan Whittle, qui est pasteur de l'Église baptiste de Chambly. Voici un autre témoignage fulgurant. Merci tellement de m'avoir permis de vivre ces moments. Mes trois journées au kiosque ont été les journées les plus intenses depuis ma conversion. Je me sentais tellement béni de pouvoir annoncer l'Évangile à tant de personnes. Ce qui était le plus extraordinaire, c'est qu'elles écoutaient. Les gens buvaient nos paroles et on voyait un sourire se dessiner sur leur visage quand le message arrivait à leur cœur. C'était magnifique, émouvant. J'ai dû l'annoncer plusieurs centaines de fois et la plupart du temps, des frissons parcouraient mes jambes tellement j'étais ému par leur réaction. Tout simplement incroyable. Toute la palette de la réaction était là, d'une indifférence simulée. On voyait que dans les mots-clés, la personne réagissait par son regard à l'émerveillement total. Les gens revenaient pour me remercier encore. Je me croyais dans un beau rêve d'évangéliste. Je vous assure que mes mots sont bien pâles à côté de mon expérience. C'est simple, j'en endormais pas la nuit. J'étais bien trop excité par ce que je vivais. Pas en Chine ou aux Indes, là, au Québec. Alors, je vais sauter ici ce témoignage. Notre invitation ici pour vous ce matin, alors, comme j'expliquais tantôt, nous ne sommes pas simplement ici pour vous montrer un ministère fulgurant qui a le vent dans les voiles par la grâce de Dieu, mais aussi et surtout pour vous tendre la main et pour vous dire que nous avons besoin de vous. Une invitation que nous faisons, mettez ceci dans vos agendas. L'exposition agricole de Victo du 12 au 16 juillet prochain, le Challenge 255 à Baie-du-Fèvre, entre Nicolette et Sorel sur le bord du fleuve, du 18 au 20 août. Toute la liste complète de nos événements sur notre site web. Tous ceux qui veulent participer avec nous doivent suivre une formation tout à fait essentielle qui va se produire ici même au bâtiment. Mettez ceci aussi dans votre agenda. Samedi le 13 mai en avant-midi. Donc, toutes les informations sur notre site web et notre téléphone. Nous avons aussi, pour ceux qui le désirent, à notre table derrière, nous allons vous remettre une feuille avec toutes ces informations pertinentes pour vous rappeler. Nous allons aussi vous envoyer une annonce PowerPoint dans les prochains dimanches. Maintenant, voici l'histoire de bûcherons chrétiens. Je vais prendre une autre bouchée d'eau. Est-ce qu'il est beau, mon bûcheron? Alors, bûcherons chrétiens. Alors, notre ami bûcheron chrétien... avait été engagé pour un contrat de 6 mois enfermé dans un camp de bûcherons avec ce groupe de bûcherons ayant la réputation d'être des buveurs, des blasphémateurs et des batailleurs et qui n'avaient que faire des choses religieuses. Alors, bien entendu, tous ses amis chrétiens, notre ami Bûcheron chrétien, étaient très inquiets pour lui, n'est-ce pas, le voir revenir tout à fait découragé, abattu, après cette expédition de 6 mois. Mais quelle ne fut pas leur surprise de le voir revenir en pleine forme avec le grand sourire aux lèvres. « Mais comment as-tu réussi ton coup? Nous qui s'attendons à te voir revenir tout à fait découragé, abattu de la vie. » Eh bien, chers amis, j'avais tout planifié mon coup. J'ai jamais dit à personne que j'étais chrétien et j'ai toujours lu ma Bible à cachette. Alors, j'ai une question pour vous ici ce matin. Levez donc la main ceux parmi vous qui n'ont jamais entendu parler que la Bible nous demande de partager sa foi avec les gens qui nous entourent. Très bien. J'ai une autre question pour vous. Levez donc la main ceux parmi vous qui sont devenus chrétiens parce qu'une autre personne a eu suffisamment le courage de vous partager sa foi. Je vois plus de mains levées. Effectivement. Dieu, dans sa souveraineté, a décidé, n'est-ce pas, que le salut se communiquait en grande partie de bouche à oreille. Hein? Ça dit qu'on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, et que cette foi qui nous sauve vient de ce qu'on entend. Vous conviendrez avec moi qu'il est très difficile de croire en quelqu'un qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas? Le peuple québécois n'est pas un peuple innocent, bien entendu, mais je vous dirais ignorant des choses de Dieu, comme nous l'étions, vous et moi, avant que quelqu'un nous partage le message de l'Évangile, n'est-ce pas? Maintenant, voici un texte tout à fait puissant de l'apôtre Jacques. « Celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir manqué de courage quand est venu le temps de partager votre foi autour de vous? Voyons. Moi, je peux lever mes deux mains, même après toutes ces années d'évangélisation. Ce que les Écritures nous enseignent ici, c'est que le péché, n'est pas, le mal, selon la Bible, n'est pas seulement de faire du mal, mais c'est aussi de ne pas faire le bien auquel nous sommes appelés à faire. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons présentement, spirituellement parlant, est comme un grand jardin. Qu'est-ce que ça prend? J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que ça prend pour détruire un jardin? Que devons-nous faire? Exactement, rien. Pas besoin de rien faire. Les mauvaises herbes vont pousser, le soleil va sécher les plantes, les bébites vont manger les racines, les maladies vont prendre le plein, les souris vont grignoter, les marmottes vont donner un bon coup et les chevreuils vont terminer l'ouvrage. Nous n'avons pas besoin de rien faire pour détruire un jardin. N'y a-t-il pas beaucoup de mauvaises herbes qui poussent dans notre société, frères et sœurs, aujourd'hui? Vous savez, en connaissant la vérité et la solution, comme chrétiens, à cause de ce que nous connaissons, l'Évangile, nous devenons indirectement responsables du mal qui nous entoure si nous gardons cette solution pour nous-mêmes. Ouais, mais Sylvain, franchement, là, moi, je ne suis pas un évangéliste, et puis je ne connais pas bien ma Bible, tu sais, puis j'ai pas encore plein d'affaires à changer dans ma vie, puis je suis ben trop gêné. Puis, j'ai pas le temps, je suis occupé. Ah, puis les gens sont pas ouverts au Québec. Est-ce que ça vous dit un petit quelque chose, ça? Oui. Alors, je vous dirais qu'il n'y a aucun domaine, tout domaine confondu de la vie chrétienne, où nous avons autant d'excuses que l'évangélisation. Si le diable n'a pas pu nous empêcher d'être sauvés, il va tout de même avoir accompli quelque chose en nous empêchant de participer au salut des autres. Si c'est ton cas ce matin, si tu te sens incapable, sache que c'est justement toi que Dieu veut. Dieu n'appelle pas des gens qualifiés nécessairement. Il qualifie les gens qu'il appelle. Qu'est-ce qui a bien pu démarquer les 360 bénévoles qui ont participé avec nous en 2016? Est-ce que c'était parce qu'ils étaient plus spirituels que moi, vous et moi, qui connaissaient plus le Bible, qui avaient plus le temps, qui étaient moins gênés? Pas du tout. Ils étaient exactement comme vous et moi. Mais qu'est-ce qui a bien pu les démarquer? Retenez ceci. Ils ont tout simplement fait un pas de foi. Maintenant, lorsqu'on pense à l'évangélisation, quel texte biblique nous vient-il à l'esprit? On pourrait en donner plusieurs. Je vous suggère ceux qui sont à peu près les plus connus. Allez, faites de toute la nation des disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Quel est le point commun de ces deux textes ici, frères et sœurs? Allez, Hein? Alors, remarquez que ça ne dit pas « attendez qu'il vienne à vous » parce qu'on va attendre longtemps. Non, allez. Allez ici dans le contexte des choses qui regardent le royaume de Dieu. On parle de l'évangélisation, est un acte de foi. Et qu'est-ce que la foi produit dans le royaume de Dieu? C'est comme une clé qui libère la puissance de Dieu sur nos vies pour nous rendre capables d'accomplir non pas la grande suggestion, mais le grand commandement, le grand mandat d'aller. L'évangélisation, c'est Jésus a commencé son ministère public en évangélisant et il a terminé son ministère public en disant à ses disciples d'aller. L'évangélisation est l'alpha et l'oméga du ministère public de Jésus-Christ. Voici l'appel du Seigneur. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je suis toujours étonné, Dieu qui se cherche des bénévoles. Et même 2000 ans plus tard, c'est encore la question que Dieu parfois se pose, je vous dirais. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers et ça n'a pas changé. C'est toujours le même dilemme. Que notre réponse ici ce matin, frères et sœurs, soit celle du prophète. « Me voici, envoie-moi. » Amen. Alors, après le service, vous pourrez venir nous voir à la table. On a des articles d'évangélisation pour vous. Et nous avons aussi notre programme Le Sommeur, donc notre bulletin d'information, de témoignages fulgurants, édifiants, gratuits. Et aussi, pour vous rappeler les informations pour nos événements, quand nous vous convions, ainsi que la formation. Merci.